إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer une série de lectures après la prière de Maghrib, le vendredi, sur des chapitres de Riyad al-Salihin. On ne va pas faire Riyad al-Salihin au complet, mais on va choisir certains chapitres, puis on va les lire ensemble avec l'explication de Cheikh Salih al-Uthaymin, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et en particulier, j'ai voulu choisir... où j'ai voulu commencer par le chapitre Babun Fadlus Salawat, c'est-à-dire le mérite des prières ou la vertu les vertus des prières. Et c'est important de se rappeler de certaines choses comme ça, par exemple des vertus des prières, puis des choses comme ça, parce que c'est des choses que, comme si par exemple quand on fait les prières depuis plusieurs années, depuis des années on fait la salat. Et à un moment donné, on prie, et ça devient comme une habitude. Tu vois? C'est comme si on a pris la prière pour acquis. C'est devenu une habitude pour nous. Puis on a perdu comme le sens profond de la prière, qu'est-ce que c'est réellement. Et on oublie tout ce qui est relié à la prière comme mérite et comme bienfait. Alors, le fait de lire ces hadiths-là, c'est comme si ça nous rafraîchit la mémoire et en même temps ça nous rafraîchit la foi. Ça nous aide à renforcer notre foi, puis ça nous aide aussi à mettre en application les paroles d'Allah et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le hadith en français et en arabe. Et je vais lire l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin après. Donc, les premiers hadiths que le Cheikh l'imam al-Nawawi dans Riyad al-Salihin rapporte dans Bab Fadl al-Salat, c'est le chapitre 187. Ok, chapitre sur les vertus de la prière. قال الله تعالى في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. C'est-à-dire, certes, la prière préserve de commettre des turpitudes et des actes blâmables. La turpitude, al-fawahish, le pluriel c'est fahsha. Fawahish, fahsha, c'est le pluriel de fawahish. Fawahish, c'est le pluriel de fahsha. Et al-fuhsh, c'est qu'est-ce qui est laid? Qu'est-ce qui est laid parmi les péchés? Et qu'est-ce qui est très très laid? Donc, al-fawahish, c'est comme des grands péchés qui sont tellement laids qu'on n'ose même pas les mentionner parfois, tellement qu'ils sont répugnants. Donc, c'est ça al-fawahish. Et al-munkar, c'est qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est blâmable. Et donc, la prière, ça nous aide à s'éloigner de ça et à s'écarter de ça. Donc, Cheikh, ça c'est le verset que l'imam al-Nawawi a mentionné dans ce chapitre. Cheikh Ibn Uthaymeen, il parle ici, il dit: قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصلوات. Donc premièrement, Cheikh Ibn Uthaymeen va expliquer le titre. باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. Donc le Cheikh il dit que les salawat, c'est des adorations connues dans la charia qui sont ouvertes ou débutées par le takbir. Quand on commence la prière, on dit Allahu Akbar, puis elles sont terminées, ou on fait la, elles sont conclues ou terminées par le taslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hein? C'est ça le taslim. Et donc, le Cheikh il dit que c'est un des piliers de l'islam les plus important après le shahadatain, après la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire après le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa afdalu arkan al-islam ba'da shahadatain, et c'est le meilleur des piliers de l'islam après ce témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Wa anfa'u arkan al-islam ba'da shahadatain, est le plus bénéfique des piliers de l'islam après le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Wa hiya silatun bayna al-insani wa rabbih, et c'est un lien qui relie l'être humain, l'homme, avec son Seigneur. Donc c'est comme une genre de relation entre l'homme et son Seigneur. لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل ويناجيه. Donc parce que l'homme, il se tient devant son Seigneur, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'adresse à lui, hein, dans sa prière. Et il dit الحمد لله رب العالمين. فيقول الله حمدني ربي حمدني عبدي. Donc l'homme il dit louange à Allah le Seigneur des mondes dans sourate Al-Fatiha. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand le serviteur dit ça, lui Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mon serviteur m'a glorifié. Ar-Rahman ar-Rahim. Donc le serviteur il dit Ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala répond, ou bien il dit à ça Asna alayya Rabbi. Il dit mon serviteur a fait mon éloge, hein, a fait mes éloges. Maliki yawmiddin. Le serviteur dit le roi du jour de la résurrection, après avoir dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il dit le roi du jour de la résurrection ou du jour de la rétribution. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Majjadani abdi, hein, mon serviteur m'a exalté, hein, m'a glorifié, m'a exalté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fayaqul hadha bayni وعبدي نصفين بين هذا بيني وبين عبدي نصفين. Donc il dit c'est toi seul que nous adorons. Le serviteur dit c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à ce moment-là, ça c'est entre moi et mon Seigneur, c'est divisé en deux. Il y a une partie du verset qui est pour moi, une partie du verset qui est pour mon serviteur. Pourquoi? Parce que Iyyaka na'bud, c'est pour dire que c'est toi seul Allah que nous adorons. Donc ça aussi ça rentre dans la glorification et dans l'éloge. Donc cette partie-là c'est pour Allah. Puis l'autre partie, Iyyaka nasta'in, c'est une demande. C'est à toi seul, ô Allah, que nous demandons, à qui nous demandons l'aide. Donc ça c'est pour le serviteur. Parce que Al-Fatiha il est divisé en deux parties. La première partie pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une glorification d'Allah, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs et par ses actions, et bien ça consiste ou ça représente une forme d'exaltation, de glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pour Allah. Tandis que la deuxième partie, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc quand ça commence à partir de Iyyaka nasta'in. À partir de Iyyaka nasta'in, c'est pour le serviteur. Et après, il dit اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc à partir de اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, tout ça c'est pour le serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ça c'est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Donc c'est pour dire qu'il sera exaucé. Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer de ça. Et ça c'est rapporté dans Sahih Muslim. C'est un hadith rapporté selon Abi Huraira. Hein? C'est un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi qui rapporte cette histoire-là. Muhawara, Munaja. Hein? Donc c'est comme un dialogue, un échange entre Allah et son serviteur. Hein? Mais quand on récite Al-Fatiha, il faut penser à ça. Hein? Il faut se rappeler de ça. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'est-ce que le serviteur dit. Et comprendre la signification. Et ensuite, Cheikh dit ثُمَّ هِيَ أَيْضًا أَفْعَالُ وَأَقْوَالُ كُلُّهَا تَعْظِيمُ من حين يبدأ الإنسان بقوله الله أكبر يعني أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروتا وكل شيء في وكل شيء السماوات السبع والأراضون السبع في كفة كخردلة في كف أحدنا فكل هذه السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل يقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء ثم يناجيه بكلام ثم ينحني تعظيما له بفعله ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ثم يسجد هذا الرفع وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود. Donc le cheikh il explique, il dit, puis ensuite la prière c'est composée d'actions et de paroles, et toutes ces actions là et ces paroles depuis le début lorsqu'elles commencent, le serviteur il commence par le fait de dire Allahu Akbar. Le serviteur commence et il dit Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est plus grand. Allah est le plus grand, c'est-à-dire plus grand que toute chose, plus grand dans sa science, plus grand dans son pouvoir, plus grand dans sa fierté, dans sa grandeur, plus grand dans sa puissance, hein, et dans le contrôle qu'il a sur toute chose, hein, sur les sept cieux et les sept terres. Le cheikh il dit que les sept cieux et les sept terres sont comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. C'est-à-dire, tu prends par exemple, bon, ça c'est pas un bon exemple parce que ça c'est trop gros, hein? Mais une graine de moutarde, c'est peut-être gros comme ça, hein? Tu vois, ça c'est tout petit, hein? Donc ça c'est une graine de moutarde. Tu vois la graine de moutarde dans ta main? Eh bien, ça c'est quoi? C'est les sept cieux et les sept terres par rapport par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il prend les sept cieux, les sept terres dans sa main, hein? Et qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, il les met dans sa main droite et il en fait une seule poignée, hein? Il en fait une poignée. Et donc toi tu vois la grandeur de juste par exemple la terre, le soleil, la lune, tu vois la grandeur de ça. Déjà tu imagines la grandeur de la terre seulement, la grandeur du soleil, de la lune, juste notre système solaire comme ils disent, ou bien yani juste notre galaxie. Eh ben tout ça c'est rien yani, par rapport à l'univers. Eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui existe dans l'univers, hein, pour lui, c'est pas plus gros qu'un grain de moutarde dans notre main. Hein? Allahu Akbar. Et il en fait une poignée, hein, malgré sa grandeur, la grandeur des cieux de la terre, eh bien, il la ferme dans sa main comme une seule poignée. Hein? Et la même chose avec les cieux. les cieux et la terre ensemble. Il les ferme dans sa main, il en fait une seule poignée. Au jour de la résurrection, c'est ce qu'il dit dans le Coran. Il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ dans Surat Az-Zumar. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire au jour de la résurrection, il va les fermer dans sa main droite, les cieux et la terre. Hein? Donc tout ça, c'est-à-dire tout l'univers, c'est tout petit pour lui. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est sa grandeur. C'est pour nous donner un exemple à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Ok? Et donc ensuite, après avoir dit Allahu Akbar, hein, et après avoir compris qu'est-ce que ça veut dire, eh bien, le Cheikh, il dit qu'il commence à s'adresser à son Seigneur. Juste avant de passer à cette étape-là ou à la suite, quand notre Cheikh, le Cheikh Mohammed bin Ramzan, il est venu à Montréal la dernière fois, il nous a expliqué comment faire la salat. Et il a expliqué que lorsqu'on fait le takbir, le premier takbir, on lève nos mains. Et dans les hadiths, c'est expliqué qu'on doit lever les mains soit à la hauteur des oreilles, soit à la hauteur des épaules. Donc tu te lèves tes mains à la hauteur des oreilles ou des épaules. Tu dis Allahu Akbar. Et puis tu les places, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Cheikh, il a expliqué que quand on fait comme ça, là, on lève les mains, c'est comme si tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu lèves les mains. C'est comme si pour dire tu te rends. Hein? Je me rends. Je me soumets complètement. Hein? C'est ça, exactement. C'est comme quand quelqu'un est là. C'est ça, exactement. Quand la police, elle vient, hein, on dit les mains en l'air. Tu lèves tes mains comme ça, c'est-à-dire, ça y est, je me rends. Hein? Je n'offre aucune résistance. Hein? Je me soumets. Eh bien, c'est ça comme tu fais quand tu fais ta prière. Tu lèves tes mains, Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Ça veut dire, tu t'es soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, entièrement. Hein? Et j'ai aimé cette explication-là du cheikh, ce qu'il a dit à ce sujet. C'est pour ça donc que j'ai pensé que c'est bénéfique de le redire. Et le cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ici, il dit donc qu'ensuite il s'adresse à son Seigneur par des paroles. C'est-à-dire, il fait le dua al-istiftah, après il fait salat al-fatiha, hein, salat al-fatiha, après il récite une autre surah, puis il s'incline par exaltation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il exalte Allah subhanahu wa ta'ala et il le glorifie par sa langue en disant Subhana Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur le très grand, gloire à mon Seigneur le très grand. Après avoir dit ça, il se relève de son rukou, puis il se prosterne, hein, ensuite. Et le fait de se relever après s'être incliné, c'est pour faire une séparation entre la position d'exaltation et de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et la position d'humiliation et de rabaissement qui est la prosternation. La position d'exaltation qui est le recours, la position d'humiliation et de rabaissement qui est le sujoud, la prosternation. Et le cheikh il dit ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب ثم يسجد لله ذلا وخضوعا فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به يضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا لله عز وجل ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول وكأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء. Donc le cheikh il explique que la raison pourquoi on dit que le ruku' c'est la position de gloire ou de glorification et de respect, et le sujoud c'est la position d'humilité et de rabaissement. Et il dit c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans Sahih al-Bukhari selon Ibn Abbas que le ruku', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, en ce qui concerne le ruku', eh bien exalter Allah subhanahu wa ta'ala dans celui-ci, c'est-à-dire lorsque vous êtes incliné. Et ensuite il se prosterne par humilité et par rabaissement devant Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il met ce qu'il a de plus noble en lui-même au niveau de ses pieds, c'est-à-dire il prosterne son front sur la terre par humilité et par rabaissement et humilité devant son créateur, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il dit Subhana Rabbi al-A'la, c'est-à-dire gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Et en même temps, c'est pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala d'être dans les bassesses ou d'être bas. Donc tu dis que c'est comme si tu disais gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit purifié des choses basses. Et donc il est le Très-Haut au-dessus de toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala est le Très-Haut au-dessus de toute chose. Le Cheikh il dit ensuite فَالصَّلَاةُ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ نَسَلُ اللَّهَ أَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ حَتَّى نَعْرِفَ قَدْرَهَا وَيَدُلُّكَ عَلَى فَضْلِهَا وَعِظَمِهَا وَمَحَبَّةُ اللَّهِ لَهَا أنه ما من فريضة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة إلا الصلاة فرضها الله على رسوله منه له مباشرة كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر. Donc le cheikh il dit la salat c'est une adoration immense et grande, importante, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les yeux et le cœur pour arriver à comprendre sa valeur réelle, la valeur réelle de cette adoration là. Amin. Et le cheikh il dit, et parmi les choses qui te montrent et qui t'indiquent son mérite et sa grandeur et l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a pour cette adoration-là, c'est que il n'y a pas une obligation dans l'islam, excepté qu'elle a été révélée par l'intermédiaire de la révélation, sauf la salat. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la salat à son messager directement, en lui parlant directement. Lorsqu'il est monté à l'endroit la plus élevée, à la plus élevée qu'un être humain peut atteindre, c'est-à-dire Sidrat al-Muntaha, lorsqu'il est monté lors de al-Mi'raj, lorsque le prophète s'en est monté jusqu'en haut des cieux, jusqu'à arriver à l'arbre, l'arbre, et Jibril, à partir de cet endroit-là, il a dit, moi je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas aller plus loin que ici, je ne suis pas permis d'aller plus loin que ça. Si j'avance plus, je vais brûler ou quelque chose comme ça. Et donc, il s'est arrêté et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire les cinq prières par jour. Et on sait que, comme c'est expliqué par le cheikh justement ici, il dit فرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج فرضها عليه عددا كبيرا 50 صلاة في اليوم والليلة لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم ولكن من لطف الله أن خففها حتى صارت 5 صلوات عن 50 صلاة اللهم لك الحمد. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a rendu obligatoire Il l'a rendu obligatoire dans une des nuits les plus nobles. Hein? Et cette nuit, c'est la nuit de Al-Mi'raj, lorsqu'il y a eu l'ascension du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au plus haut des cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné donc la salat au début, un très grand nombre de salat. C'était pas 5 prières par jour pour commencer, c'était 50 prières pendant le jour et la nuit. Imagine. Est-ce que vous pensez que on aurait été capable de faire 50 prières dans la journée et dans la nuit? Hein? Ça aurait été très très lourd et très difficile pour nous. Déjà, on n'en a que 5 à faire et on trouve ça lourd. Alors imaginez 50. Et la raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala en a ordonné 50 au commencement, c'est parce qu'il aime cette adoration-là. Il aime que les serviteurs fassent cette adoration. Et parce que sa récompense est immense aussi. Mais pour montrer sa douceur envers ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a adouci et allégé son ordre, son obligation, et il l'a rendu 5 par jour au lieu de 50. Hein? Donc ça, c'est une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses créatures. Ensuite, le cheikh, il dit, au sujet des fruits que doivent produire cette prière, le cheikh, il dit, « As-salatu laha thamarat jalila, azima. » Minha. Donc le cheikh, il va énumérer quelques mérites de la salat, le fait de faire la salat. Et ça, c'est mentionné dans le verset qu'on a lu, lorsqu'il a dit « Inna salata tanha anil fahshay wal munkar » C'est-à-dire, la prière, elle détourne ou elle protège, hein, elle préserve contre le fait de commettre des turpitudes et des choses blâmables, des actions blâmables. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. Donc le but de notre existence, c'est pour l'adorer. Et il a ordonné 50 prières. Et lorsque il a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de faire 50 prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu. Et jusqu'à ce qu'il arrive dans un des cieux où se trouve Moussa alayhi salam. Et lorsqu'il a rencontré Moussa, il lui a dit, mon Seigneur m'a prescrit pour ma umma 50 prières par jour. Et Moussa alayhi salam, il lui a dit, ta umma n'en sera pas capable. Il lui a dit, j'ai essayé avec ma umma de faire, de leur ordonner, hein, qu'est-ce que je leur ai ordonné, et ils n'ont pas été capables. Donc, en voulant dire, je ne crois pas que ta umma sera capable de le faire. Et il a dit, retourne à Allah subhanahu wa ta'ala, retourne en haut pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'alléger cet ordre. Et donc il est remonté pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui diminue. Et il l'a diminué encore un peu. Et il est redescendu et il a reparlé avec Moussa alayhi salam, et Moussa lui a dit, remonte encore pour aller le demander de rabaisser. Il est retourné en haut pour redemander encore une fois de rabaisser. Il a rabaissé encore un peu. Il a continué à monter comme ça, hein, monter et descendre comme ça plusieurs fois, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala descende les prières à 5, hein, au lieu de 50. Donc c'est 10 fois moins, hein, de l'obligation. Et Moussa alayhi salam lui a encore dit, retourne. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de baisser encore une fois l'ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été gêné de retourner à mon Seigneur pour lui demander encore une fois. Alors il l'a laissé à 5 par jour. Et elles sont 5 en application, mais elles sont 10 dans la récompense. C'est-à-dire, elles ont la récompense de 50 prières quand on les fait. Donc elles ont diminué en nombre, mais elles ont gardé la même valeur, la même récompense. Donc, Tout ça, c'est pour montrer la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, non, c'est pas un jeu, mais c'est pour manifester, en fait, c'est pour montrer, et pour que soit plus manifeste, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers ses serviteurs, et comment il est doux, et miséricordieux, et compatissant envers ses serviteurs, hein. Du point qu'il allège pour eux les adorations pour les rendre faciles pour eux. Yani ça c'est une des sagesses qu'on peut comprendre. Mais sinon il y en a peut-être d'autres encore. Et le cheikh il explique ensuite donc parmi les mérites de la salat, il dit الصلاه لها ثمرات جليله عظيمه منها ما ذكره الله في الآية التي صدر المؤلف بها هذا الباب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وأشباهها والمنكر ما دون ذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن متى إذا قامت إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل ولهذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها لا نجد هذا لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné parmi les fruits de cette prière, hein, ces fruits qui sont très grands et très importants. Et parmi ces fruits là, il y a ce que l'imam al-Nawawi a mentionné comme verset au début de ce chapitre, lorsqu'il a dit que la salat elle préserve contre la turpitude et les choses blâmables. Le cheikh explique que al-fahsha, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des fawahish. Al-fahsha, c'est les fawahish. Le fahisha, c'est-à-dire les péchés qui sont laids, les choses qui sont laides, comme par exemple le zina, l'adultère et la fornication, al-liwat, hein, l'homosexualité ou plutôt la sodomie, hein. Ça c'est ça les fawahish, les choses laides que tu veux même pas mentionner tellement elles sont détestables et laides. Et al-munkar, c'est la même chose, il y a des choses qui sont mauvaises et blâmables. Donc, et qu'est-ce qui est moindre également? Donc la salat elle te préserve des turpitudes et des choses blâmables. Ça, c'est ce que fait la salat. Mais le cheikh dit, mais quand est-ce que c'est ainsi? Quand est-ce que la salat te préserve des fahshas et du munkar? Parce que le cheikh, il dit, ça c'est lorsque la salat, elle a été établie de la façon la plus complète possible. Et il dit que c'est pour ça que tu trouves que parfois tu vas faire la salat et nos cœurs ne changent pas du tout. Hein, on ressent pas aucun changement dans notre cœur, ou bien on trouve pas que on a plus de haine ou disons de dédain pour les turpitudes et les choses blâmables, ou bien on ressent pas que après avoir terminé la salat on est meilleur que avant de l'avoir fait. On ressent pas cette sensation là la plupart du temps. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Parce que la prière qu'on fait, ce n'est pas la prière qui nous préserve et qui nous empêche des turpitudes et du mal. وإلا فكلام الله حق ووعده صدق والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت إن محى ذلك كله لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تزداد أو ولكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون. ولهذا يجب علينا أن علينا ونسأل الله أن يعيننا, يجب علينا أن نعتني بصلاتنا ونكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. Donc le cheikh il explique, il dit que yani la prière compris, c'est pas la prière qui nous empêche ou nous préserve des turpitudes et du mal. Hein? C'est pour ça qu'on ne ressent pas de changement dans notre cœur. On n'a pas prié la prière telle qu'on devait la prier. Notre prière, il manque quelque chose dedans. Si on n'arrive pas à ce niveau, à ce degré de sentir qu'on rejette le péché et la turpitude, ça veut dire que notre prière, elle n'est pas faite comme il faut. Elle n'est pas faite avec toute la profondeur qu'elle mérite. Hein? Et donc le cheikh il explique ça et il dit sinon la parole d'Allah elle est véridique, hein? Et sa promesse elle est véridique, elle est véridique et elle est vraie. La salat réellement va t'interdire des turpitudes et des choses blâmables si c'est une prière ou une salat qui est faite et qui est faite telle que Allah subhanahu wa ta'ala le demande, hein? Et donc dans ces situations là si tu avais l'intention ou tu avais l'envie ou le désir de faire un péché ou que ton cœur penchait vers la désobéissance puis que tu fais une salat qui est vraiment correct comme Allah te l'ordonne avec la présence du cœur et avec la sincérité, avec les conditions et ainsi de suite, tu le fais comme il faut, eh bien ce désir que tu avais dans ton cœur va s'effacer, hein, et qu'il ne va pas rester à ce moment-là dans ton cœur, mais à condition bien entendu, comme on l'a dit, que ta salat que tu fais ce soit la salat qu'on a voulu de toi, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de ta part. Wallati turiduha anta lillahi, et que toi tu la fasses déjà de ton côté uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, pas pour autre chose. Donc la salat qui est la plus parfaite possible, c'est cette prière là que tu fais comme Allah subhanahu wa ta'ala la veut, et que toi tu la veux uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce genre de prière là qui te préserve yani, contre les turpitudes et contre le mal et les actes blâmables. Et le cheikh il dit c'est pour ça qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve de tout mal et qu'il nous aide à faire cette salat. Et il faut également qu'on prenne attention et qu'on fasse attention à notre salat. Ça, c'est une obligation pour nous de préserver nos salats et de compléter notre salat selon la valeur ou selon la mesure dans laquelle on est capable, avec tous ces piliers, ces conditions, ces obligations et ces perfectionnements. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, par la suite, elle va nous préserver du fahsha et des munkar, hein, de la turpitude et des mauvaises choses, des mauvais actes. Naam, la connaissance de l'arabe, c'est sûr que ça peut aider dans le fait d'avoir une concentration plus forte dans la salat et de prendre conscience plus entièrement de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran lorsqu'on récite. Et c'est pour cette raison-là qu'on est ordonné d'apprendre l'arabe, si on est capable, et que ça, ça fait partie des obligations de la religion. Toutefois, si on n'est pas capable de l'apprendre immédiatement ou sur le champ, eh bien, en attendant, il y a toujours la possibilité d'avoir recours à des traductions, et ces traductions-là peuvent nous rapprocher un peu le sens et nous aider à essayer d'avoir plus... De bon sens devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de comprendre le sens de ce qu'il veut de nous, puis de lire qu'est-ce qu'il nous dit en français, c'est-à-dire le sens de ce qu'il nous dit en français, pour essayer de nous aider à nous concentrer un peu mieux dans la salat. Ça, c'est possible. Mais l'idéal, bien entendu, le mieux, c'est d'essayer d'apprendre l'arabe. Et il ne faut pas s'imaginer que parce que nous, on ne comprend pas l'arabe ou parce qu'on n'a pas appris l'arabe que, par exemple, on arrive moins à se concentrer que des arabophones. Puisque l'arabe qui est parlé par beaucoup d'arabes aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'arabe du Coran, l'arabe des hadiths. Donc, c'est bien possible que certains qui sont arabophones aujourd'hui, qui viennent de certains pays musulmans, même s'ils connaissent ou ils parlent l'arabe, mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent nécessairement la parole d'Allah ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout s'ils n'ont pas étudié l'arabe comme il faut. Donc eux aussi doivent faire l'effort d'apprendre à leur niveau aussi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera ça une autre occasion, inshallah. Pour l'instant, c'est le vendredi, mais peut-être qu'on pourra rajouter durant quelques jours de la semaine aussi des lectures comme ça. On va s'arrêter donc. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.